Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Tout à si maman. Nous allons lever. Tout à suma Jude. Nous allons lire dans Jude. Mstari atano kufika na kusita. Chapter 4. Utasoma. Lakini mimi napenda kumikumbusha hata vile muonesha ujio wa maneno yote. J'aimerais vous rappeler quand même vous le savez. Hivi Bwana kwa kokola batu muinchi ya Misri. Pour sauver les gens d'Israël. Alakini ariaribu bale bakutokuamini. Il avait détruit les incrédules. Alakini bale ba malaika bakuchunge fazi yabo bukubwa bwabo. N'ont pas gardé leur place. Bali acha fazi yabo. Alibachunga mu kifungo. Ils ont gardé en prison. Kiamugiza juu kuchunga ukumu ya ile siku mkubwa. Dans l'obscurité pour attendre ce grand jour. Tunaweza kuketi. Nous continuons avec notre sujet de la prédication. Les âmes qui sont encore en prison jusqu'à maintenant. Les âmes qui sont encore en prison. Les âmes qui sont encore en prison jusqu'à maintenant. Petro Wapili. De Pierre. Petro Wapili, Surake Apili. Deuxième Pierre, chapitre 2. Mstari ya ine na ya tano. Quatrième et cinquième verset. Nous allons lire. Kwani vile Mungu ashikuepushe wale wa malaika walitenda zambi. Car Dieu, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Mais il les a précipités dans les abîmes. Les abîmes des ténèbres. Et le réserver au jugement. Il n'a pas épargné l'ancien monde. Alakini alimwepusha tu paka Noa ule alikuwa mpasha habari njema ya uwaki na batu bengine saba. Et les autres six personnes. Ala alituma alituma kuharibu batu hapa pa dunia wale wasipo kuamini. Pour détruire les impus. Sur la terre. Voilà, Mungu amibariki. Que le Seigneur Dieu bénisse. Atabandu kubale beko na nisikia wapi na wapi. Munapashi kujua sema ata na leo hii kuku manafsi ile kumukifungo ata hapa sasa. Vous devez savoir qu'il y a des âmes qui sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. Kama leo hii we hauna na neno la Mungu? Si aujourd'hui toi tu n'as pas la parole de Dieu. Kama kufika na leo ungarike paka mtu wa mdunia. Jusqu'aujourd'hui tu es encore mondaine. Uyu asema kuku manafsi ile kupaka saa yako ile iko mkifungo na leo hii. Comme toi qui sont encore en prison jusqu'aujourd'hui. Leo jusqu'aujourd'hui. Bwana pale alishuka hapa dunia. Quand le Seigneur est venu sur la terre. Dieu a kwenda kuhubiri ile manafsi ilikuwa yenye kifungo. Pour aller prêcher les âmes qui étaient encore en prison. Alienda kuchagua ko paka bale balikuwa naisha amini. Il était parti choisir ceux qui croyaient. Asikwende kuchagua bakaina hapana. Il n'est pas allé sauver les Caïens. Non. Alienda kuchagua ba Ibrahim. Il était parti prendre Abraham. Baba yetu katika imani. Notre père dans la foi. Paka vile muko mwe benye kuikala hapa leo mangaribi. Si ce soir. Bwana Mungu amibariki. Dieu vous bénisse richement. Asikwende kuchukua watu wote hapana. Il n'est pas parti prendre tout le monde dans le séjour des morts. Bwana Mungu amibariki. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, si vous avez bien compris hier, nous qui sommes assis ici, avec tous nos frères qui ont cru à ce message du temps de la fin, nous, on ne va pas attendre quand on va détruire ce monde. Macho yetu haitaona namna gani mbingu tayeyushwa hapana. Nos yeux ne verront pas comment est-ce que ce monde sera détruit. Shie tu kuna muji ile banesha kututayarishia. Nous avons notre cité déjà préparée. Shie tuhitaji kuona vile vitafanyika hapa dunia hapana. Nous n'avons pas besoin de voir ce qui va se passer sur la terre. Non. Kama biki kufikia utakuwa mtu wa namna gani? Tu seras quel genre d'homme? Petro wa pili. Deuxième Pierre. Mstari ya tatu, sura ya tano. Verset 5. Tutasoma. Basi, barikosa kujua na mioyo migumu. Il voulait ignorer en effet. Ya kwamba kulikuwa na mambingu ya zamani. Que il existait d'autres cieux autrefois. Na ulimwengu naye aliumbiwa toka maji. Le monde a été créé sortant de l'eau. Na katikati ya maji. Et au milieu de l'eau. Ni paka tu kuneno la Mungu. C'est toujours par la parole de Dieu. Jo pale na ile ulimwengu wa zamani ile haribikaka. Haribu a été détruit. Oui, kubali haribu kumaji. Avait détruit par l'eau. Na lakini mambingu ingaliki iko na hapa sasa. Les cieux existent jusque maintenant. Na ulimwengu tena ingaliki iko. Et il y a encore un autre monde. Ilikuwa ako kupitia tu neno. Ça existait à travers la parole de Dieu. Lakini bibi yote biko na chunga moto. Toutes ces choses ici attendent le feu. Ibi bitu biote biko na chunga hukumu wakati ile bataribu batu basipo kuamini batu waovu. Ces choses attendent le jugement lorsque on va juger de tous les impus. Basi musisahau maneno haya. N'ignorez pas ces choses. Mweye bapendwa. Vous les bien-aimés. Ya kwamba siku moja mbele ya Bwana. Un jour devant Dieu. Iku sawa miaka elfu. C'est comme 1000 ans. Na miaka elfu nayo. Et 1000 ans aussi. Iku sawa siku moja. C'est comme un jour devant Dieu. Bwana asigawie kutimiza ahadi yake. Le Seigneur ne tarde pas d'accomplir ses promesses. Vile watu wengine wanazania kwamba anagawia. Comme les autres pensent. Alakini anamivumilia. Mais il vous patiente. Asipende ya kwamba. Il ne veut pas que. Atamo ya pati kupote ya shipende vila pana. Ne puisse perdre, lui ne veut pas ça. Alakini anapenda mwe bote mufike kukutubu. Mais vous tous que puissiez arriver à vous repentir. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Tel que le ciel passera. Avec toutes ces choses. Et les choses du ciel vont s'effondre. Avec cette forte chaleur. Et le monde aussi. Avec ce monde ici sera détruit. 11. Comme nous voyons, toutes ces choses sera détruit. Maintenant, nos œuvres, nos actes seront comment? Namna ya utawa ya Mungu. D'une manière pieux de Dieu. Benye kuchunga na kongojea hukumu ya Bwana kuja. Qui attendant le jugement de Dieu. Paka vile mambingu itayeyushwa. Comme les cieux passeront. Paku yeyushwa na moto. Seront détruits par le feu. Et tout ce qui renferme les cieux sera détruit par les feux. Maintenant, conformément avec sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là où règne la justice. Vous, le bien-aimé, comme vous attendez, promesse, prêtez oreille. Et pour que vous pouvez trouver un pays sans tâche pour être jugé devant lui. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Lorsque nous chantons Sayuni, Sayuni, cette cité déjà préparée pour nous. Psaume 11, premier verset jusqu'au sixième verset. Et vous pouvez même terminer tout jusqu'au verset 18. Vous allez voir comment on est en train de préparer pour vous la cité. La cité nous appartient. Amen. Nous n'allons pas voir comment on va détruire ce monde. C'est pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui. Nous sommes pour vous avertir. Le prophète aussi nous avertit pour que nous puissions fournir des efforts, que nous puissions persévérer. Pour persévérer dans la parole de Dieu, tu dois naître dans la parole de Dieu. Nous pouvons nous avertir de cette façon sur ce sujet de la prédication. Notre sujet de la prédication, paragraphe 17. Et on descend. Le prophète dit ceci. J'ai deux visions par la grâce de Dieu. J'ai dit cela pour ne pas être sacrilège. Et si c'est faux, Mungu anisame. Que Dieu me pardonne. Je crois avoir été dans ces deux endroits. Dans ces deux endroits, racheté et béni. J'ai aussi vu ceux qui étaient perdus et où ils étaient. C'est pourquoi aujourd'hui je me tiens devant vous en tant que votre frère pour vous avertir. Ne fuyez ce chemin qui descend vers le bas. Ne prenez jamais ce chemin. Vous avez tout pour vivre et suivre ces chemins bénis qui montent vers le haut. Là où le racheté jouisse dérapé. Amen. Vous ne pouvez plus pécher ni éprouver les tristesses. Il n'y a plus rien. Ils sont parfaits. J'ai vu ces deux endroits. Je sais que c'est une chose terrible, terrible à dire. Mais Dieu est mon juge. Je crois véritablement que je vis ces deux endroits. Je les crois comme ça. Que personne ne puisse entrer dans cet endroit des gens perdus. Même si on vous transversait, même le un rouge chauffé, on vous torture de quelque manière, ça ne sera jamais comparé avec ces vieux-là. L'esprit humain ne peut pas comprendre ce que c'est. Le séjour de perdu. Il n'y a vraiment aucun moyen de l'expliquer. Il n'y a pas moyen d'expliquer le séjour des errés. En tout cas, c'est si heureux. Mais est tellement terrible. Et l'autre est tellement glorieux. C'est pourquoi si vous écoutez cette bande, arrêtez l'enregistreur. Repentez-vous. Si tu n'es pas encore sauvé, mettez-vous en ordre avec Dieu. Je ne dis pas mon expérience personnelle. Comme je le crois de tout mon cœur. Et si j'étais trompé dans cette vision, que Dieu me pardonne. D'avoir vu une telle chose. Mais en toute sincérité, ya upana wa moyo wangu, du fond de mon cœur, mwenye kujua kwamba kuya kuyaka ono hata moya inaisha unilandaka. Aucune vision ne m'a diamanti. Nazania narukuya mwile mafazi yote mbili. Je crois avoir été dans ces deux endroits. Kila mmoja apate kukimbia sana hii barabara ya kushuka chini. Que chacun de nous puisse s'éloigner de cet endroit qui descend. Bwana Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse, Michel. Mwonjo mulipokea nuru ya magharibi. C'est vous qui avez reçu la lumière du soir. Bile vyote viko nafanika, mwa munaona ya kwamba tunakuwa kumwisho. Tout ce qui se passe, vous-même vous voyez que nous sommes arrivés à la fin. Mwe ya mutembe saba tuba mudunia pana. Vous pouvez marcher comme le monde. Isipokuwa uriamini bibaya. Mais à moins si tu avais mal cru. Kama uriamini kweli kweli kufuatana na nabii wa kweli ule walituma. Réellement conformément avec le vrai messager qu'on vous a envoyé. Tengeneza maisha yako. Arrangez votre vie. Tengeneza maisha yako. Arrange ta vie. Sa zingine uriamini bia bongo. Peut-être tu avais mal cru. Sa zingine uriamini bia bongo. Peut-être tu avais mal cru. Kwani kifungo. Parce que c'est prison ici. Igena. Et l'enfer. Banesha mutarishia le diabolo. C'était préparé pour le diable. Shetani. Na bafuasi yake bote. Avec tous ses disciples. Benye kwa na roho sawa ya Kaina. Ceux qui ont l'esprit de Caïn. Benye kwa na roho sawa ya Balaam. Ceux qui ont l'esprit comme Balaam. Benye kwa na roho sawa ya Koré. Ceux qui ont le cœur comme Koré. Kumbi kama unaisha uzalika toka Mungu. Si toi tu es né de Dieu. Hiro ya shetani nyama hatuna nayo sisi hapa. Nous n'avons pas le cœur du diable, l'animal. Nukta ya makumi ine ya ima ubiri tukunayo. Paragraphe 40 de la publication que nous avons. Nous allons dire. Sa zingine kinya uendele. Peut-être pour, je ne sais pas pourquoi tu ne persévères pas. Manake uriamini mumbaya. Donc tu avais mal vu. Inapashi uzaliwe mara ya pili. Tu dois naître de nouveau. Maisha lorukwa na pa dunia, bakie pa dunia. La vie que tu avais dans le monde, ça doit rester dans le monde. Ah, hii siku itakufikia, utaona namna kani dunia italungua. Et si ça arrivait, tu vas voir comment ce monde sera consumé. Sasa, tuone kwanza hii manafsi yenye kupatikana mkifungo hapa sasa. Voyons ces âmes qui sont en prison maintenant. Nafsi ya mutu, haina mwili yake. L'âme d'un homme n'est pas son corps. Yo, ni nafsi. C'est l'âme. Na, nafsi ni kitu kenye kwa na asili ya roho. C'est quelque chose qui a la nature de l'esprit. Wakati Mungu anasema, lorsque Dieu dit, nimeshakufa, vous êtes mort. Andiko natuambia waziwazi ya kwamba tulishakufa. Dit clairement que nous sommes morts. Na maisha yetu inashapitia mandani ya Mungu kupitia Yesu Kristo. Yenye kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Scellé par le Saint-Esprit. Haina mwili yako inakufa. Ce n'est pas votre corps qui est mort. Wala roho yako. Ni votre esprit. Ni asili ya roho yako ndio inakufa. Munaona? Voyez. Asili yenye kwa nafsi. La nature qui est l'âme. Asili ya nafsi yako ni Mungu. Votre âme c'est Dieu. Kama unesha zaliwa mara ya pili. Si vous êtes né de nouveau. Amen. Kama haina vile. Si ce n'est pas le cas. Manake iko ya mudunia. Donc tu es encore du monde. Pardon? Asili wala tabia. La nature. Le comportement. Kama ile tabia yako ingariki paka ya mudunia. Si votre comportement est encore mondain. Mana tama. L'envie. Busharati. L'impudicité, l'adultère. Mwizi. Le vol. Bumu asira bunyama. La nature animale. Tunaendelea. Makumi na tatu. 43. Wakati Mungu alipepula pumzi ya uzima mpua yako. Quand Dieu souffle le souffle de vie dans vos narines. Na sasa unakuwa nafsi iliyokuwa hai. Une âme vivante. Ndio pale palikuwa mwanzo yako. Si votre commencement. Asili ile ilikuwa ndani yako. La nature qui était en vous. Wa asili. Par nature. Ulikuwa wa mudunia. Mwenye kutenganishwa na Mungu. Katika ukweli. En réalité. Ulikuwa mtu nyama. Un animal. Hii ni ukweli ya vya kweli. Vérité. Batu bote banajua sema tuku banyama. Tout le monde sait que nous sommes des mammifères. Amen. Bantu katikati yenu bangapi banajua sema tuku banyama. Nous sommes des mammifères. Tuku banyama badamu ya moto. Nous sommes des animaux à sang chaud. Jo kile tuko kufuatana na kuumbiwa kwa pa dunia. Par notre création terrestre. Alakini munaona? Vous voyez? Ile natuachanisha na banyama wengine. Ce qui nous diffère avec des autres animaux. Ni ya kwamba Mungu aliweka nafsi moja ndani yetu. Âme à nous. Amina. Hivi Mungu unawaona wako natembea utupu mudunia. Vous voyez nu marcher dans le monde. Bangali kibanyama. Ce sont encore des animaux. Kama tunakuwa kile tuko sisi leo. Si nous connaissons ce que nous sommes nous. Kwa ajili ya neno la Mungu. À cause de la parole de Dieu. Tunarudia kwa baba yetu. Nous allons rentrer à notre père. Dieu Mungu alisema nitaumba mtu mumfano yangu. Parce que Dieu a dit j'écrirai l'homme à mon image. Ndio kwa maana bo mtu wa Mungu pale urudia ndani yetu. C'est pourquoi quand la nature de Dieu rentre en nous. Unatupatia kuwa na haya. Ça nous a donné la honte. Un homme, c'est avoir honte. Amen. Amen. Ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. L'homme sans Dieu, c'est un animal. Quelqu'un sans parole de Dieu, il est nul. Amen. Amen. Il y avait en ce temps-là pas d'eau pour cultiver le sol. Alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ensuite, il prit de son côté un dérivé, une côte. Il la séparait l'homme qui avait une nature double, qui était à la fois féminin et masculin. Il prit le féminin. Kwani? Parce que kike ilikuwa ni mapendo. Parce que le féminin. Na akaiweka ile kike ndani ya mtu ule Adam alimuita Eva. La place dans une personne qui Adam appela Eve, qui était sa femme. Ndio kwa maana mapendo yake ya asili. Son nature naturelle. Iko yenye kuambatana na mke wake. Était attaché à sa femme. Ndio kile mtu alipashi kwa leo kwa ajili ya bibi yake. Devait être pour sa femme. Na mwana bibi kwa ajili ya bwana yake. La femme pour son mari. Bwana Mungu amebariki. Bénisse. Munifuate mzuri. Et comprenez, écoutez-moi bien. Kudumu katika imani. Persévérer dans la foi. Kuogopa kufa na kubakia mudunia. Mourir et rester dans le monde. Tu dois naître de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu auras le sang de Jésus, l'eau de Jésus. En bref, tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vient en vous. Parce que tu es né de Dieu. Et à ce moment-là, vous allez persévérer dans la foi. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois te repentir dans la sincérité. C'est la plus grande secret qui empêche les gens d'entrer à Dieu. Maintenant, tu dois contrôler la personne que tu as pris. Tout celui qui croit en Dieu. Tu dois te repentir dans la sincérité. Dieu a quelque chose à vous donner. Il va te donner comme récompense. Parce qu'il te voit comment est-ce que tu t'es repenti réellement. Amen. Amen. Amen. Lorsque la créé le monde entier, par quelqu'un pour l'adorer. Kama Mungu alileta mtu pa dunia. Si tu es amené l'homme sur la terre. Alikuwa anahitaji ile nipache kumtumikia. Dieu avait envie qu'on puisse lui servir. Kama tena alimweka Adam pa dunia. S'il a mis Adam sur la terre. Aliona tena Adam kitu kile kilimkosa. Il a vu en Adam quelque chose qui manquait. Alikuwa ni mke bibi. Vile mnasikiliza ubibi mke. Quand vous entendez la femme. Si, suivez-moi bien. Nous allons en lire encore. Akachugua kike. Akabeba et puis le féminin. Kwani ya kike ilikuwa ni mapendo. Le féminin, c'était l'amour. Ule mke ule Mungu alimpatia. La femme que Dieu avait donnée à Adam, c'était l'amour. Ule mke, cette femme-là, ni mapendo. C'était l'amour. Muke mbumutu bwake bote. La femme dans son entièreté, mapendo, c'est l'amour. Ni mapendo yako wewe ndugu mke wako. Toi frère, ta femme. Ni mapendo yako wewe ndugu mke wako. C'est l'amour mke wako. Toi frère, ta femme. Sa vile Mungu alipenda sana hii dunia, ulimwengu. Comme Dieu aime tant ce monde. Ni mapendo ila alimipenda. Dans son amour qui vous a aimé. Il fallait livrer son fils unique qui puisse mourir pour vous tous. Ce qui a mené Dieu envers nous, c'était l'amour. C'est pourquoi nous, le bien-aimé, comme nous appelons l'épouse, l'épouse du Seigneur, c'est celle qui viendra prendre. Quand il viendra nous prendre, il vient prendre l'amour. C'est seulement l'amour qui entrera auprès de Dieu. Amen. C'est l'amour uniquement qui va entrer. Maintenant, c'est vous, le pouce qui viendra prendre. Parce que c'est dans son amour. Si vous ne comprenez pas. Amen. Amen. C'est pourquoi, lorsque nous avons pris la lumière, nous, on ne se marie pas avec ceux qui sont dans l'obscurité, dans le ténèbres. Si tu as bien dit, le choix d'une épouse, avant de parler avec une femme ou une soeur, le prophète a posé une question, il a bien posé la question. Vous devez poser d'abord la question à la soeur. Tu veux m'épouser? C'est une question. Si tu es encore un jeune avec un cœur pur, un homme de bonne foi, sans toutefois aller de la détruire ses morts, que tu puisses garder ta vie jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Ce n'est pas pour détruire sa vie, non. Si votre choix est mauvais, c'est-à-dire que vous avez détruit votre vie en commençant par là. La personne que tu as vu la soeur pour aller détruire ses masses, tu répondras. Parce que tu la vis comme c'était ton amour. Et aujourd'hui, elle est venue mauvaise comment? Dieu nous a sauvés à travers son offrande, une telle offrande. C'est pourquoi il nous a promis de venir nous prendre. Nous nous préparons chaque fois. Notre époux, il revient. Notre époux, il nous aime. C'est pourquoi il nous envoie ses serviteurs avec sa parole pour qu'il ne puisse pas nous trouver et qu'il nous trouve en bon état. Et toi, quand tu pars t'épouser, c'est pour que ton mari puisse te trouver en étant prêt. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le mariage, tu dois commencer d'abord par prier Dieu. N'entrez pas dans le mariage avec envie, par envie, non. Priez d'abord, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Mon frère, toi aussi, quand tu, ma soeur, quand tu vas recevoir le frère, tu dois d'abord prier. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Ne vois parce que le frère est bien habillé en veste, ou il a des véhicules. Ça, ce n'est pas important. Ce que nous, nous avons besoin, c'est l'homme intérieur. Amen. Cet homme qui se retrouve à l'intérieur, c'est celui que nous avons besoin. Qui est né de nouveau. Qui a l'esprit du Seigneur. Qui a l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi le plus c'était l'amour. Même si vous êtes pauvre, c'est ton amour. Même si vous êtes riche, que Dieu vous bénisse. Il y a un problème, il y a une histoire qui cause problème. Lorsque vous mariez, écoutez-moi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'avaient pas arrêté de nous dire ce que Dieu aime. Comme notre Dieu, il est roi. Il va nous donner toutes les bénédictions. Si tu gardes sa parole, ça sera comme ça. Ça sera de cette façon. Si toi tu ne gardes pas mon frère la parole de Dieu, peut-être la soeur garde la parole de Dieu. Bon, c'est tout ça. Tu peux prier Dieu pour que nous ne puissions pas t'oublier. Dieu peut ouvrir les écrits et tu auras un peu. Mes frères, on a vimba. Et le frère gonfle. Ah, dada na kwa mubaya. Soit la soeur devient paresseuse. Dieu te donne l'argent, c'est pour que tu puisses bien vivre. Amen. Amen. Amen. La soeur, elle commence à souffrir. Kama qui se mette na ivia kwamba Mungu. Muzuri tubakie tu mundoa. C'est bien de rester dans le mariage. Mbeba tu mabaraka yako iwe bebe. Prends tes bénédictions. Suivez-moi bien. Lorsque vous êtes assis, les cieux écrivent. Partout où vous marchez, les cieux écrivent. Tout ce que tu fais, le ciel est en train d'écrire. Un jour, notre frère avait des problèmes. C'est vrai qu'il avait une femme. Dieu les avait déjà bénis. Ils souffraient vraiment. Je suis allé même les aider pour qu'ils trouvent comment vivre. Que Dieu bénisse. Dieu les a bénis. On les a trouvés au vécu. Le patron a kaine za magari mnane. Et le patron a fait entrer. Ana kwa sawa gérant wa Kongo wa kuongoza magari yote. Il est devenu comme le gérant des véhicules. Suivez-moi très bien. Ana sabu nyumba yake. Il a oublié sa maison. Bibi akalia sana. Sa femme a pleuré. Akatuita. Sa femme nous a appelé. Wakati bwana rudia. Et lorsque le frère akasema, l'a dit. Munashauria inakuwa mingi. Vous m'avez assez conseillé. Muzuri kumbi Mungu. Demandez à Dieu de répondre à sa bénédiction. Et il dit, tu m'as maudit. Et nous avons crié sur lui. Il dit, la sœur est attristée. Quand les cieux a écrit. Et Dieu a écouté. La sœur, la fille ici a dit. Le mariage, c'est la parole de Dieu. Ça ne doit pas être brisé à cause de la que Dieu bénisse. Mungu akasema ndio anasema kweli. Dieu a dit c'est bien, elle a bien dit. Kama kukuma mfuko mpya ni kwa Mungu. Hii masaki mule unawekaka vitu. Dans des sacs où vous mettez les histoires. Huko kwa Mungu mama nyumba mingi. Mungu akachukua saki mwaka ipomona. Dieu a coupé. Anaanza kubeba ile baraka. C'est là où mettez la bénédiction. Akaipumputa. Il a secoué. Akaingia mu nyumba yabo mule. Il est entré dans leur maison. Anafungula sac moya. Dieu a ouvert un sac. Akapakiza ile baraka. Il a mis sa bénédiction. Na misi hapa niko namwambia. Je vous sensible. Oui dada, oui unduku sasa anaanza kutumika mu restaurant. Le on est piqué na mu restaurant. Travaille dans une restaurant et travaille dans une restaurant. Na namwambia. Je vous dis la vérité. Na pale onekala leo. Tel que vous êtes assis aujourd'hui. Hata kama Mungu anakubariki. Même si Dieu vous bénisse. Ukumbuke nyumba yako. Souviens-toi de ta maison. Ndio tembe mzuri mu safari. Que tu puisses marcher bien dans cette voyage. Hapana juu tokele Joe. Ne do. Dieu a nyumba yako ilungue. Pour que ta maison puisse être abîmée. Haina vile hapana. C'est pas comme ça. Kumbe usilombe hata baraka yenyewe ya Mungu. Soit ne demande même pas. Nakusaidia mangaribi ya leo. Uombe kumbi Roho Mtakatifu. Prie d'abord, demande le Saint-Esprit. Ne demande pas l'argent. Prie d'abord Dieu. Hapana kuomba mali. Ne demandez pas l'héritage. Là tu seras un bon frère. Bwana Mungu amibariki. Huyu mke. Cette femme. Huyu mke. La sœur ici. Ndio mapendo. C'est ça l'amour. Nisi benyoketi hapa. Nous qui sommes ici, l'amour de Jésus-Christ, ceux qui gardent, qui sont gardés par le Seigneur Jésus-Christ. Jude 1, premier chapitre. Nous allons lire. Jude, mutumishi wa Yesu Kristo. Jude, serviteur de Dieu. Ndugu yake na Yakobo. Le frère de Jacob, c'est pour ceux qui sont été appelés, bapendwa na Mungu Baba, aimé par Dieu le Père, benye kuchungiwa na Yesu Kristo, ceux qui sont attendus par le Seigneur Jésus Christ, benye kuchunga Yesu Kristo, ceux qui attendent le Seigneur Jésus Christ, bale banachunga Yesu Kristo kwa Mungu. Ceux qui sont en train de le Seigneur Jésus Christ. Est-ce que vous êtes là, les enfants de Dieu? Le bien-aimé de Dieu. Vous qui attendez le Seigneur Jésus Christ. Vous dépassez même le Pierre. Parce que vous n'avez pas vu ce que Paul a fait. Comme vous n'avez pas vu du visage, mais vous avez confiance en lui. Amen. Que vous n'avez pas vu, mais vous avez fait confiance en sa parole. Ceux qui ont vu, eux, ils ont vu ce que Jésus-Christ avait fait. Mais vous, heureux pour vous, qui a cru sans toute sa voix, persévérez, le Seigneur revient bientôt. Amen. Persévérer. Nous on a déjà laissé les traces. Si nous sommes dans 2 Pierre, verset 2, nous on a déjà laissé les traces. On a déjà laissé les traces par où pétiner. Dans notre foi, nous devons persévérer. Persévérez, mon frère. Le Seigneur revient bientôt. Et c'est plus le temps d'être distrait. Ceux qui sont en train de travailler, Quand tu travailles, accorde aussi le temps, wakati. Quand tu travailles, tu laisses aussi le temps, Seigneur. Venir écouter et savoir comment te préparer. Ceux qui sont en train de marcher, regardez au temps. Il ne faut pas t'arrêter dans la foi. Persévérer. Notre Seigneur revient. Persévérer. Notre Seigneur est en train de venir. Il n'y a plus de temps. Que Seigneur bénisse. Wani yeye ni mapendo. Lui c'est l'amour. Alitonesha mzuri. On nous a bien montré. Alisema mudumu katika mapendo yangu. Persévérer dans l'amour de Dieu. Tubakie katika mapendo yake. Rester dans son amour. Wakati la alituchukua sawa bibi harusi. Lorsque nous a pris comme de Na mwenyewe anatupenda. Parce qu'il nous aime. Il nous a promis qu'il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Il nous a promis, c'est lui qui nous a promis, il est vivant. C'est lui qui nous a promis, il est vivant. Si tu vois dans ton cœur, il y a encore l'amertume. Comme notre frère Jacob. Jacques l'a dit. Il y a encore l'esprit animal. Quand nous trouvons nos cœurs se réjouit dans la parole de Dieu. Pour tout le mot qui nous arrive, nous n'avons pas de difficultés pour nous repentir. Si tu arrives au point d'échouer de te repentir. Jacob, Jacques. Jacques. Sura 3, mstari 13. 16. Ni nani wa hekima mwenye kufundishiwa katikati yenu? Qui est sage pour enseigner au milieu de nous ou de vous? Aoneshe matendo yake mema na uongozi yake ya upole ya hekima. Qui montre son amour et ses bonnes œuvres et sa conduite. Basi kama mkiwa na moyo ya uchungu, si vous avez le cœur amertu, na kukokotana muro yenu, basi msijisifu, alors ne vous glorifiez pas, na kulongofea ukweli, et mentir pour la vérité. Basi hekima, alors cette sagesse, aina ya kutokea kumbingu. Ne vient pas, cette sagesse ne vient pas du ciel, c'est sur cette terre. Sa sagesse animale, c'est la sagesse diabolique. C'est là où il y a la haine et des tiraillements. C'est là où il y a des tiraillements. Avec tous ces mauvaises œuvres. Alors, cette sagesse venant d'en haut, premièrement, le pire, ensuite, pacifique, modéré, conciliante, pleine. Tu ne peux pas y avoir quelque chose qui vous empêchera de vous répondre. Amen. Amen. Sans toutefois hésiter à se répentir. Savoir l'amour. L'amour et la paix. Bila sans des tiraillements, nabunafiki, avec l'amitié, basi tunda ya uwaki iku napandwa katika salama. Le fruit de l'amour se sème dans la Baba paix. Le kutafutisha salama. C'est qui cherche, qui recherche la paix. Kala. Bamu dunia bote banapashi kwa na we itaji. Le mondaine doit Mambo yote wewe ukifika hapo wewe kwa kupatanisha. Tu arrives partout, tu peux arriver, tu dois être conciliant. Hawezi wewe ukifika pa mambo wewe njoo wa kuleta makokotano. Tu peux pas arriver à un problème, tu puisses encore aggraver les choses. Ni wakati wewe kumbele na Mungu. Kama wanatafuta mtu wa kuweza kupakatia mambo watapatia wewe hata kama mtoto kidogo. Tu veux quelqu'un pour le problème. Amen. Tu dois parler même deux ou trois mots pour réconcilier les gens. C'est ce que tu devais savoir ce soir. Que nous, nous sommes l'amour de Dieu. Nous qui sommes ici, nous attendrons notre époux. S'ils ne sont pas nés de nouveau, cela veut dire que nous sommes encore mondains. Notre vie mondaine doit mourir. Nous devons avoir une nouvelle vie du Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.